Chapitre 47. Les grands hommes de la Bourgogne. Saint-Bernard, Bossuet, Vauban, Monge et Buffon. Quand un enfant grandit, il préfère l'histoire de sa patrie et des hommes qu'il honore aux historiettes du jeune âge. Toutes les provinces de France ont fourni des hommes remarquables par leur talent ou par le grand âme, qui ont rendu des services à leur patrie et à l'humanité. Mais peu de provinces ont produit autant d'hommes illustres que la Bourgogne et ses grands hommes ont été pour la plupart de grands patriotes. Premièrement, parlons d'abord d'une des gloires de l'Église, de Saint-Bernard. Il naquit près de Dijon, d'une famille noble, au XIe siècle. Dès l'âge de 22 ans, son ardente piété lui fit embrasser la vie monastique. Il fut l'homme le plus éloquent de son époque. C'est lui qui prêcha la seconde croisade pour délivrer Jérusalem. Lui-même raconte dans ses lettres qu'il entraînait tout le peuple derrière lui et changeait en désert les villes et les châteaux. En Allemagne, où l'on n'entendait point sa langue et où l'on ne pouvait comprendre ce qu'il disait, les populations étaient cependant émues et persuadées par son accent et par ses gestes. Comme on voulait massacrer ces Juifs pour se préparer à l'expédition, Saint Bernard empêcha cet odieux massacre. Il mourut en 1153. Deuxièmement, 5 siècles après, la Bourgogne devait encore produire un grand prélat, qu'on a comparé plus d'une fois à Saint Bernard, pour son éloquence et ses travaux. Bossuet, né à Dijon, se fit d'abord remarquer de tous ses camarades de classe, par son assiduité et son ardeur au travail. Les autres écoliers disaient, en parlant de lui, qu'il travaillait avec le courage et le calme du bœuf à la charrue. Dès l'âge de 16 ans, Bossuet est célèbre dans tout Paris, par son éloquence. Il devint évêque de Condom, puis de Meaux, et précepteur du fils du roi. Sa vie fut remplie par des travaux de toutes sortes. Troisièmement, au même siècle que Bossuet, dans la Bourgogne, naquit le jeune Vauban. Dès l'âge de 17 ans, il s'engagea comme soldat, et se fit tout de suite remarquer par son courage. Un jour, au siège d'une petite ville, dont les murs étaient entourés par une rivière, il se jeta à la nage, et montant sur les remparts, il entra le premier dans la place. Cependant, si Vauban n'avait été que brave, son nom eût pu être oublié dans un pays où la bravoure est si peu rare. Mais Vauban était studieux, et tous les loisirs que lui laissait le métier de soldat, il les consacrait à l'étude. Il s'occupait des sciences, il lisait au milieu des camps des livres de géométrie. Il obtint le grade d'ingénieur, et ce fut comme ingénieur qu'il montra son génie. Le roi Louis XIV le chargea de fortifier nos principales places de guerre. Toute la ceinture de places fortes qui défend la France est son œuvre, Dunkerque, Lille, Metz, Strasbourg, Falsbourg, Besançon, et plus de 300 autres. « Quoi ?» s'écria le petit Julien, « c'est Vauban qui a fortifié Falsbourg, où je suis né, et Besançon, dont j'ai si bien regardé les murailles. Voilà un grand homme dont je n'oublierai pas le nom à présent. » Puis il reprit sa lecture. Au milieu de tous ces travaux, Vauban était sans cesse préoccupé de la prospérité de son pays et des moyens de soulager la misère du peuple. Dans la guerre, il donnait toujours au roi les conseils les plus humains et il s'efforçait d'épargner le sang des soldats. Pendant les nombreux sièges qu'il conduisit, on le voyait s'exposer lui-même au danger. Il s'avançait jusque sous les murs ennemis pour bien connaître les abords de la place et cherchait les endroits par où on pourrait l'attaquer sans sacrifier beaucoup d'hommes. Quand on s'efforçait de le retenir, ne vaut-il pas mieux, répondait-il, qu'un seul s'y expose pour épargner le sang de tous les autres? Dans la paix, il pensait encore au peuple de France, si malheureusement alors au milieu des guerres et de la famine qui se succédaient. Il chercha un moyen de diminuer les impôts dont le peuple était accablé, et il écrivit à ce sujet un bel ouvrage qu'il adressa au roi. Mais le roi Louis XIV se crut à tort, offensé par les justes plaintes de Vauban. Il fit condamner et détruire son livre. Vauban, frappé au cœur, en mourut de douleur peu de temps après. Mais on devait lui rendre justice de nos jours, et même de son temps. C'est pour lui qu'on a inventé et employé pour la première fois le beau mot de « patriote », qui sert maintenant à désigner les hommes attachés à leur patrie et toujours prêts à se dévouer pour elle. Vauban fut surnommé le « patriote ». « J'aime tout à fait ce grand homme-là, » dit Julien, « et il fait bien honneur à la Bourgogne. »« Oui, certes, » dit André, car il a travaillé pour le bien de son pays. « Mais tu n'as pas fini ta lecture, petit Julien, » dit M. Gertal. « Il y a eu aussi en Bourgogne d'autres grands hommes qui ont bien aimé leur patrie. » Julien reprit son livre avec une nouvelle curiosité. Quatrièmement, 40 ans après la mort de Vauban, un rémouleur en plein vent de la petite ville de Beaune, dans la Côte d'Or, eut un fils qu'il éleva à la force de travail, et qu'il envoya, une fois grand, faire ses études au collège de sa ville natale. Le jeune Gaspard Monge ne devait pas avoir moins de génie que Vauban, il ne devait pas être moins utile à sa patrie. C'est une des grandes gloires de la science dans notre pays. Il inventa presque une nouvelle branche de la géométrie. En 1792, Monge avait 46 ans. À cette époque, la France était attaquée par tous les peuples de l'Europe à la fois. Monge fut chargé d'organiser la défense de la patrie. Il se mit à cette œuvre avec toute l'ardeur de son génie. Il passait ses journées à visiter les fonderies de canons. Pendant les nuits, il écrivait des traités pour apprendre aux ouvriers à bien fabriquer l'acier et à fondre les armes. Il était aidé par un autre homme illustre, né aussi en Bourgogne, Carnot, qui travaillait avec Monge à défendre la France et qui indiquait à nos armées les mouvements à faire pour s'assurer la victoire. Ces deux hommes réussirent dans leur œuvre. Quand la France eut en effet repoussé l'ennemi, Monge redevint professeur de géométrie. C'est lui qui organisa notre grande école polytechnique où se forment nos ingénieurs pour l'armée et pour les travaux publics, ainsi que nos meilleurs officiers. On lui a élevé une statue à Beaune. Cinquièmement, la Bourgogne a donné le jour à un autre grand savant que tous les enfants connaissent, c'est Buffon. « Oh, je le connais en effet, » s'écria Julien, « c'est lui qui a si bien décrit tous les animaux. » « Oui, » dit André, « je sais que c'était un grand naturaliste, c'est-à-dire qu'il a étudié la nature et tous les animaux ou plantes qu'elle renferme. » Buffon est né au château de Montbard, dans la Côte d'Or, malgré sa fortune. Il ne se crut pas dispensé du travail. Il conçut la grande pensée d'écrire l'histoire et la description de la nature entière. Il médita et étudia pendant 10 ans, puis commença à publier une série de volumes qui illustrèrent son nom. Ses ouvrages furent traduits dans toutes les langues. Avant de mourir, il vit sa statue élevée à Paris, au Jardin des Plantes, avec cette inscription « Son génie à la majesté de la nature ». Saint Bernard. Né près de Dijon en 1091, mort en 1153, il prêcha en 1146 la seconde croisade, qui devait échouer. Bossuet. Né à Dijon en 1627, mort à Paris en 1704. Ses principaux ouvrages sont le discours sur l'histoire universelle et les oraisons funèbres. Vauban. Né en 1632, près de Saulieu dans l'Yonne, mort en 1707. Monge, né à Beaune en 1746, mort en 1818. Il y a à Paris une école qui porte son nom. L'école polytechnique. Cette grande école située à Paris, et dont le nom signifie « école où l'on apprend beaucoup d'art », fut fondée par la Convention nationale sur la proposition de Monge. Elle est destinée à former des élèves pour l'artillerie et le génie militaire, les mines, la marine, etc. Buffon, né à Montbard, Côte d'Or, en 1707, mort en 1788. Il fit, avec l'aide d'un autre bourguignon, d'Aubenton, son grand ouvrage sur l'histoire de la nature, travail immense qui comprend 36 volumes.